On me teste pas sur mon espace, je l'exploite comme un despote. C'est le départ de mon festin, si je m'installe je vais rester. La hasba tu l'encaisses pas, n'est-ce pas, t'as la tête pâle. Me baisse pas, je ne te baisse pas, si on baisse pas ils vont tester. Les sentiments ça coûte cher, hein, plus que ton sac Gucci. Mon frère on doit s'écouter, pas seulement quand c'est futile. Ouais, faire des love comme two chains, hein, joue comme John Gucci. Me zappe pas sur un coup de tête, on partage la même routine. Ouais, ouais, ouais. La haine ça n'est de l'amour, mais je ne m'en suis pas nourri. Je t'en parle, tu fais le sourd, mais tu me feras pas courir. Tu mens comme Rocancourt, ma conscience n'est pas pourrie. Ce soir j'en prends encore parce que je suis bourré, mal entouré. Y'a rien d'amical, ton frère change pour 10 balles. Je m'applique à essayer de comprendre ce que tu ne me dis pas. On fit pas, tu me quittes pas. L'ambiance est mauvaise, mauvais œil sous les 10. J'y pense, tôt ou tard, ici tout se perd. Faut du temps, mais tôt ou tard, tout se perd. Évidence, tôt ou tard, ici tout se perd. Et t'y penses, ce soir tu vas tout perdre. Dans la merde, jusque dans ta tombe. Joyeux anniversaire, petit frère, je vais t'offrir un pompe. Elles veulent du charme, elles veulent du cash, il faut que tu comptes. Ils te recalent, ils te regardent quand tu montes. Je me prends la tête, j'essaie de faire le boss mandataire. Je suis mandataire, je récupère le trône, tout le monde à terre. On va faire les comptes. N'en faites pas les comptes, pas les comptes. Tu tournes en rond, c'est pas carré, il suffit pas de vendre des barres. Petit frère connaît ce genre de bail. Concentré sur la palette, calcule personne à part elle. Est-ce que tu perds, est-ce que tu gagnes? Te tester, ils y pensent pas. Isolé par les conséquences des essais, je ne pionce pas. Ils vont te faire dans le fond du bar, du sang sur le verre de Jack. C'est le son du nom.